Auditeurs, auditrices de Radio Chevaucheur, Lysiane nous dit bonjour. Votre émission Code 9. ...43 000 bornes de changement en Flandre pour les voitures électriques. La météo est bien difficile de se déplacer à vélo. Anniversaire People, aujourd'hui nous avons, vous la connaissez en tant que cuisinière, c'est Maïté. Demain Frédéric François, mardi Antoine et sa moto Gaudi. Mercredi vous aurez Cécile Cara, jeudi Faudel, vendredi Jean-Pierre François, samedi Bonnie Tyler et dimanche prochain Barbara. On écoute bien sûr le clairon de Maïté et sa petite voix. J'ai fait ça à 22 ans. 22 ans, je partais le matin et jusqu'au soir avec mon mari, on partait des... voilà. Toute la journée, on a fait, j'ai fait les chantiers depuis Ichoux ou plus loin jusqu'à Puyot. Et de presque Bayonne, Dax et tout ça, on fait tout le parcours, ça dépend où est le chantier. Retraitée de la SNCF, Maïté a trouvé sa véritable vocation, la cuisine. La cuisine, et oui, qu'elle est passée, Maïté. Eh bien, on aura peut-être l'occasion d'entendre sa vie prochainement sur les antennes de Radio Chevaucheur, pourquoi pas. Vous êtes dans l'émission Quoi de neuf. 621 livres sont sortis. La demoiselle de et le moustiquaire par la force des choses et le troisième, le froid du hasard. Le fruit du hasard. Quand on écrit mal, c'est ce qu'on lit mal. 621 livres pour le mois de juin qui sont sortis, que vous pouvez bien sûr acquérir dans les bonnes librairies. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la bicyclette. Je m'en allais chercher des oies, du côté de fouiller les oies, la bicyclette. Soudain qui vois-je devant moi, une belle fille au frais minois, la bicyclette. En arrivant à sa hauteur, j'y fais un sourire enchanteur, la bicyclette. Elle rit aussi, on parle alors, et elle me dit dans nos transports, la bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. Avez-vous fait le tour? La bicyclette, bien sûr, prévue pour se déplacer. Même d'autres tours. Des tours de quoi qu'elle me dit, des tours de vélo, bardi. Vous êtes un blagueur, est-ce que vous êtes coureur? La bicyclette a été inventée en 1817 en Allemagne par un homme nommé le baron Karl von Drey. On continue cette émission jusqu'à 9h30 avec les résultats du loto. Vous avez peut-être joué, vous êtes peut-être regagnant, pourquoi pas le 4, le 23, le 24, le 29, le 38, le 41 et le 34 complémentaires. Pour le Joker Plus, c'est le 846, 552, le signe vierge. Nous fêtons aujourd'hui la Saint-Blandine. Alors, Saint-Blandine, moi je dis lèche tes babines. Et le dicton du jour, eau de juin ruine le moulin. Blandine, c'est la douceur, calme et ferme. Mais attention, les Blandines savent. User de leur charme pour mettre les gens à leurs pieds. Julien Doré avec ce beau titre, nous, eh bien, je vous parlais de la bicyclette il y a quelques instants. N'oubliez pas qu'à Lustin, le 1er septembre, eh bien, il y aura bien sûr leur festivité. Voici déjà des infos. Hello les moustachus! Prêt pour la 11e édition de la vieille boucle lustinoise? Et oui, ça fait déjà 10 ans, 2014, la première année. Depuis, plus de 300 000 euros reversés à nos trois associations caritatives, le Fonds Émile Salamon, la Fondation Manguedine, le Foyer Saint-François. Et en 10 ans, nous avons modifié pour accueillir le plus de cyclistes possible nos règles. Et là, cette année, une nouveauté. Je résume, cette année, en 2024, la nouveauté, deux courses. La course 1, les moustachus dilettantes et les jeunes. Trois tours. La course 2, les castards moustachus qui cherchent un chrono. Mais dans les deux cas, les coureurs devront affronter l'enfer de Lustin, le fameux chemin des prières. Alors, soyez au taquet, regardez vos réseaux sociaux et vos mails, parce que les inscriptions, c'est bientôt. On est au mois de juin, et le mois de juin, c'est bien sûr une pierre. On retrouve la pierre d'Alexandrie, perle d'Alexandrie. La perle est une essence traditionnelle du mois de juin. On lui attribue les vertus de l'innocence, de la pureté, de la vérité. Alexandrite, eh bien, également est associée au mois de juin, comme je viens vous le dire. Elle est porteuse de fortune. Et cette pierre est verte lumineuse du jour, et sous un tube fluorescent, eh bien cette pierre peut être blanche ou rouge. Voulez savoir si elle est bien naturelle, eh bien, faites une évaluation au niveau de sa dureté. Le mois de juin est également la fleur. C'est aujourd'hui le pois de senteur qui est reconnu pour le mois de juin pour son doux parfum. Et bien sûr, le pois de senteur incarne également la beauté avec ses fleurs gracieuses et aériennes. On y voit la nuée, des nuées de papillons et bien sûr la modestie, la simplicité, l'humidité. Mais aussi l'optimisme et la joie sont représentés par le point de senteur. Voilà pour ce qui est des infos du mois de juin. Ah, si vous partez aujourd'hui, venez nous rejoindre à la guinguette de Radio Chevaucheur où là nous aurons Josiane Martin. Et dimanche prochain, c'est la fête des pères et nous serons en congé. Alors ce sera l'occasion de venir nous dire un petit bonjour ce dimanche à la guinguette, 14h. Et en parlant de la guinguette, des festivités de Radio Chevaucheur, on vous rappelle que pour le moment, eh bien, vous avez quelques nouvelles émissions avec Jean-François qui vous parle de petits oiseaux de nos jardins et prochainement, il vous parlera des comédies musicales. Et puis, vous avez Robert qui reçoit une fois par mois un artisan, l'artiste de métier, voilà, j'allais trouver le mot, qui viennent parler un petit peu de qui je suis. Et le 21 juin à 15h, Robert recevra Jean-Paul, l'informaticien. Qui il est exactement, Jean-Paul? Si le cœur vous en dit et que vous avez envie de parler de votre métier, de votre savoir-faire, eh bien, pourquoi pas vous inscrire à Radio Chevaucheur dans le calendrier, l'agenda de Radio Chevaucheur au 0477 59 48 43. En parlant d'agenda, eh bien, le mardi qui arrive, et Jean-François recevra le chanteur Dean Quinto Rocco. Il viendra parler de son nouvel album qu'il a sorti. Et le 9 juin, c'est-à-dire dimanche prochain après-midi, nous serons en direct du Festival de Namur. Le festival, mais d'une maison de retraite, et c'est l'intime festival qui vous présentera cette émission le 9 juin après-midi sur les antennes de Radio Chevaucheur en direct de la maison de repos. Le 9 juin après-midi, l'intime festival de Namur sur Radio Chevaucheur. Et je vous rappelle que ce mardi matin, 10h, Jean-François recevra cet artiste. Et comme ce sera la fête des papas dimanche, eh bien voilà déjà pour vous. Nous allons écouter l'étoile semaine sur Radio Chevaucheur et cette fois-ci, on vous a programmé Frédéric Lamoury qui va nous parler les filles de l'été. On espère que l'été arrive tout doucement. Il annonce un peu meilleur à partir de mercredi. Déjà un petit peu demain, hein, ce sera plus ou moins sec. Frédéric Lamoury avec les filles de l'été, l'étoile semaine. Et avant ça, c'était la banane que j'offrais aux parrains et marraines de Sam qui ont offert une banane, qui se reconnaîtront. On va écouter bien sûr l'indicatif, l'apéritif musette. Bienvenue dans cette émission, l'apéritif musette jusqu'à 12h. Vos appels téléphoniques et bien sûr par notre numéro de GSM que vous connaissez. Votre visite, cette rue Le Chevaucheur à Lèves cet après-midi avec Josiane Martin. Dimanche prochain, nous serons en congé. Et le dimanche, le 16 juin, n'oubliez pas qu'il y aura un repas, ce sera vol au vent frites et nous aurons Manu Lefleur le 16 juin. L'apéritif musette est parrainé par Karine et David, Josette et Émile, Josette Francine, Nicole et Jacques, Jacqueline et Michel, Eliane de Profondeville, Nicole de Staff, Alain et Denis, de Malone, Loulou d'Ivoire, Robert et Yves, François et Monique, Papy Georges, Annie et Freddy, Luce de Mété, Gisèle de Gève, merci parrain et marraine. Déjà le dimanche 2 juin, n'oubliez pas le troisième week-end de juin, et bien Radio Chevauchoir fête son anniversaire. Normalement c'est le 6 mars, mais on reporte toujours ça au troisième week-end de juin depuis 1982. Et là vous aurez le samedi après-midi une journée récréative avec jeux bingo, karaoké et bien d'autres choses. Et puis le dimanche vous avez le repas de midi et ensuite Manu de Fleurs à la guinguette de Radio Chevauchoir, et la météo normalement sera ensoleillée avec la musique.